Chapitre 14. Aussitôt qu'elle fut bien enfermée dans sa chambre, la baronne Elmreich procéda sans tarder à l'inventaire du mobilier. Son bagage était des plus minces, et on lui avait dit que le souper ne serait pas servi avant 8 heures. Comment eût-elle pu mieux employer son temps? Ayant donc ôté manteau et chapeau, et s'étant assurée que ses accroche-cœurs étaient à leur place, elle se mit en devoir d'examiner systématiquement toutes choses, soulevant les vases de fleurs pour découvrir le prix inscrit en dessous, défaisant le lit pour palper la qualité des draps, tapant les matelas et les sièges pour s'assurer de la nature du capitonnage, et mettant son pince-nez pour interroger les broderies et le travail du linge. À son extrême surprise, elle ne put relever nulle part les signes de calcul ou de lésinerie qu'elle cherchait. Tout était sans défaut, aussi parfait que l'enthousiasme avait pu le créer. La baronne demeura perplexe, une tête d'oreiller en main. « Cette garniture ne peut avoir coûté moins de 4 marks, le maître, » se disait-elle sans comprendre quel put être son but. « Et ce papier de tenture, combien peu pratique. La moindre tâche, s'y verra, les mouches seules l'auront ruiné dans un mois. » Elle haussa les épaules avec un sourire. Cette dernière réflexion, si elle ne lui apportait aucune lumière, semblait au moins lui causer du plaisir. « Elle doit être puissamment riche et dépensière, » poursuivit-elle. « Tout est neuf ici, et tout est dispendieux. Mais quel drôle de goût !» Fidèle à l'acajou et au damas cramoisi de ses jours prospères, la baronne trouvait sincèrement horrible les bois clairs, les étoffes riantes et les meubles modernes style qu'Anna lui avait ménagé avec tant de bonheur. Ayant fini son inspection, « Qu'est-ce que cela peut bien être que cette Miss Estcourt ?» se demanda-t-elle soupçonneuse. Le pasteur qui avait ouvert la correspondance assurait qu'elle était de haute naissance, fille d'une des plus anciennes maisons d'Angleterre. C'était facile à dire, mais qui le lui prouvait ? À elle, baronne Elmreich, que cette affirmation était fondée. Ce même pasteur avait beaucoup appuyé sur la piété, le caractère angélique de leur bienfaitrice. La baronne commençait à croire qu'on lui en avait donné à garder. Car enfin, lorsqu'on est si pieuse, cela se voit tout de suite, n'est-il pas vrai? Et pas un seul mot de nature édifiante n'avait passé les lèvres de leur hôtesse, ni à l'arrivée, où la chose eût été si naturelle, ni au courant du goûter, où elle eût été également acceptable. C'était étrange. Autre chose louche, sa jeunesse. La baronne s'était attendue à trouver en Miss Estcourt une personne d'âge raisonnable, de l'âge de tout le monde, de 40 à 50 ans par exemple, non pas une jeune fille sans expérience et qui, selon toute apparence, se croyait, bien à tort, extrêmement jolie. C'était bizarre, bizarre, pour parler avec indulgence, qu'elle vécût aussi loin des siens et sans chaperon. Il devait y avoir dans son histoire quelque chose de suspect. Oui, ce désir de partager sa fortune avec des femmes respectables et bien nées ne pouvait s'expliquer autrement. À cette pensée, la baronne se raidit. C'était bien son frère qui, après avoir triché aux cartes, s'était tiré par le suicide d'une situation inextricable, et c'était bien sa sœur, dont on avait raconté à Axel la biographie encore moins glorieuse. Mais il est à remarquer que le sentiment des convenances, que la bruderie prend des couleurs tout à fait sauvages chez les parents des déboyés, qui, eux, sont restés dans le droit chemin. « Il faut que je m'informe sans tarder de l'histoire de cette demoiselle, » fut la conclusion de ce soliloque. Et tirant violemment le cordon de sonnette, elle s'assit sur le sofa, les deux mains croisées, prête à faire subir un interrogatoire de juge d'instruction à la première fille de service qui se présenterait. Presque au même instant, on frappa à la porte, et au lieu d'une servante, parut sa jeune hôtesse parée, ainsi qu'il lui sembla, de façon absolument répréhensible, c'est-à-dire... dans son habituel décolleté du soir, amical, joli, élégante à souhait, mais ne songeant nullement à s'excuser de cette splendeur. « Je ne vous dérange pas. Puis-je causer une minute avec vous ? » demanda-t-elle, le visage inondé de fossettes, toujours planant au 7e ciel. « Bitte !» répondit la baronne avec le sourire que les Français appellent pincé. « Comment ? On n'est pas venu vous aider à déballer vos affaires ? J'ai sonné. Et on n'est pas venu, je gronderai Marie. » C'est à peu près la seule chose que je sache faire en allemand. Parlez-vous anglais? Non. Français, peut-être? Non. Ah, tant pis. Eh bien, nous essaierons de nous entendre avec mon pauvre allemand. Tout imparfait qu'il est, il vous dira, j'espère, combien je suis heureuse de vous voir enfin sous mon toit. Elle était si heureuse, en effet, que la timidité du début paraissait envolée. Et pendant un instant, elle se répandit en paroles aimantes, accueillantes, divinement bonnes. Il lui fallut bien constater cependant, au bout de peu de temps, qu'elle parlait seule et que sa compagne paraissait exclusivement occupée à l'examiner des pieds à la tête. Ceci la déconcerta un peu. Volontiers, elle lui dit à sa voisine, « Laissez donc cette robe. Je vous l'enverrai ce soir si vous voulez. Mais ne gaspillons pas ces heureux instants. Parlons de vous, de ces peines que vous m'avez indiquées seulement et que j'ai hâte de partager, de votre avenir que je veux faire paisible, doux, heureux. Seulement, elle ne se sentit ni assez de hardiesse, ni assez d'allemand pour se lancer dans un pareil discours. « J'espère que vous vous plairez ici, » commença-t-elle, reprenant courage, posant une main affectueuse sur les deux mains croisées de la baronne. « Que nous nous entendrons, que nous allons former une véritable famille. » Ici, les yeux de la dame se détachèrent de la robe pour se poser ronds et fixes sur les yeux d'Anna. « Vous n'avez pas de sœur ? Non ? Pas de cousine, de tante ou alliée qui soit disposée à venir demeurer ici ? Non, pas que je sache, » dit Anna, se rappelant avec un sourire les fureurs de Suzy. « Mais votre frau mama ne va-t-elle pas venir bientôt ? J'ai perdu ma mère, hélas. Et le herr papa ? Je l'ai perdu également. Je demeure avec mon frère et ma belle-sœur avant de venir à Kleinwald. Et vous, cher ami, vous avez aussi perdu de bonheur vos parents bien-aimés. Vous n'avez, me dites-vous, dans vos lettres, ni frère ni sœur. » « Je n'en ai point, » dit la baronne, rigide. « Eh bien, laissez-moi vous tenir lieu de cette sœur qui vous manque. C'est bien de la bonté. Oh non, non, c'est un trop-plein de bonheur que je voudrais vous faire partager. » « Laissez-moi y revenir, » reprit la baronne après un silence soupçonneux. « Est-il possible que vous n'ayez ni tante, ni cousine, ni alliée à qui faire part de ces bonnes choses que vous prodiguez à des étrangères ?»« J'en ai des bataillons entiers, » dit Anna en riant, « mais elles sont amplement pourvues des biens de ce monde, aussi n'ai-je point ici de place pour elles. Et des amis. Mes amis, Dieu merci, sont également en bonne situation. » Il n'en est aucune, riche ou pauvre, qui consente à venir vous tenir compagnie, vous tirer de cet isolement. Mais je ne leur ai pas demandé, dit Anna ouvrant les yeux tout grands, et je n'ai nul besoin qu'on me tienne compagnie. Alors pourquoi peupler votre maison d'étrangères ? Pourquoi ? Répéta Miss Estcor déroutée. N'avons-nous pas échangé une longue correspondance à ce sujet ? Un silence tomba entre elles. Voici, pensait Anna, une singulière petite personne, singulière comme manière, s'entend. L'intérieur, l'âme, j'en suis sûr, n'est que beauté et noblesse. Seulement le malheur l'a recouvert d'une certaine sécheresse de surface, qu'il sera ma douce tâche de dissiper et de dissoudre. Cependant, en dépit de ces réflexions consolantes, elle ne pourrait guère se défendre de la conviction que la plupart des gens auraient qualifié d'excessivement mal apprises les questions de la baronne. « Allons, » dit-elle, faisant effort pour que sa voix ne trahît aucune diminution de cordialité. « Je vous retiens là à bavarder et vos mains ne sont pas même ouvertes. Je vais vous envoyer Marie à l'instant. » Elle sortit et, après avoir tancé Marie pour son manque de zèle, dirigea ses pas vers la chambre attribuée à Frau von Treumann. On distinguait un bruit d'aller et venu à l'intérieur, et ayant cru entendre parler en réponse à son coup discret, Anna ouvrit la porte, car elle avait à cœur de ne pas perdre ces précieux moments où, seule à seule avec ses nouvelles recrues, une impression durable pouvait être créée et la glace à jamais rompue entre elles. Cette glace, il est vrai, n'avait guère été entamée en ce qui concernait la baronne. Mais quoi, allait-elle se laisser refroidir pour ce petit échec ? À Dieu ne plaise ! Et elle pénétra dans la chambre de Madame de Treumann avec un redoublement d'énergie et d'espérance. Quelle ne fut donc pas sa déconvenue lorsqu'elle aperçut cette dame allant et venant à grands pas dans la pièce, la bouche pleine d'exclamations furieuses, le visage inondé de larmes. « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-il arrivé ? Vous sentez-vous souffrante ?» cria Miss Estcord, courant elle avec angoisse. La veuve, qui n'avait entendu ni frapper ni ouvrir la porte, s'arrêta effarée, essayant de cacher son visage dans son mouchoir. « Qu'y a-t-il ? Dites-le-moi !» implora Anna, posant doucement la main sur son bras. « Nicht, rien !» fit l'autre violemment. « Je croyais être seule. Oh !» dit la jeune fille avec tendresse. « Ne craignez pas, je vous en conjure, de me confier votre peine. » « Vos lettres ne m'ont-elles pas déjà appris bien des choses ? Je veux partager tous vos chagrins. Non, non, vous ne pouvez rien ici. » Et se dégageant brusquement, elle reprit à travers la chambre la promenade et les pleurs interrompus, tandis qu'Anna la considérait silencieuse et consternée. Bientôt les exclamations recommencèrent. « En suis-je donc venue là ? Suis-je tombée si bas ? Oh, la honte intolérable ! Oh, l'insoutenable humiliation ! Moi, une Treumann par mariage ! Une Ilma Kedenstein de naissance, une geborene comtesse, vivre d'aumône. » Miss Estcord demeura muette, infiniment troublée, désorientée. D'où pouvait venir cet orage ? Toute chose n'avait-elle pas été discutée et réglée jusqu'à satiété par correspondance ? Tout à l'heure, Frau von Treumann semblait consommer avec appétit, sinon avec gratitude, les rafraîchissements offerts. D'où venait que le pain de l'hospitalité lui parut tout à coup si amer. Ce silence eut un plein succès. Voyant qu'on ne l'interrogeait plus, l'affligée se décida à formuler ses griefs. « Vous avez informé vos domestiques que nous sommes ici par charité, moi ? J'ai sonné pour faire ouvrir mes malles. Jamais je n'ouvrirai mes malles moi-même. Nouvelle tempête de sanglots. Après m'avoir fait attendre longtemps, votre chambrier est venu en rechignant. Elle était insolente, elle sait tout. » Déluge de larmes. Elle partira demain. Les autres ne vaudront pas mieux. Elles partiront aussi. C'est-à-dire, elles partiront si elles manquent au respect qu'elles vous doivent. Ah, s'il n'y avait que vos filles de service, reprit la veuve, se tordant les mains de réchef. Mais en traversant le passage, j'ai rencontré. Qu'avez-vous rencontré? L'Appenheim. La princesse Ludwig? Qu'a de fâcheux cette rencontre? Vous ne m'aviez pas dit qu'elle habitait cette maison. Comment aurais-je pensé que cela pût vous intéresser? Je la connais. C'est une créature sans pudeur, à qui rien n'est sacré, qui se fait gloire de sa dégradation, qui proclamera partout que je vis de charité. Et ce n'est pas vrai, je ne suis ici qu'en visite, j'ai connu votre oncle, je l'ai écrit à tous mes amis. Mais la Penheim détruira tout. Oh, pourquoi suis-je venu ici ? Elle se jeta dans un fauteuil au milieu d'un nouveau déluge de larmes, d'un fracas renouvelé de sanglots. Lorsqu'elle eut pénétré la cause de cette douleur, l'angoisse d'Anna se calma considérablement, et même les coins de sa bouche persistaient à se relever en un sourire, en dépit de son très réel désappointement. Voilà donc la tournure que prenait cette première soirée, qu'elle s'était tant de fois dépeinte toute d'harmonie, de paix profonde, de joie sainte et partagée. D'une part, la baronne, glacée, hostile, antipathique, inabordable. De l'autre, la veuve en proie à une fureur agressive et tumultueuse. En vérité, ce début n'était pas heureux. « Ne vous tourmentez pas sans cause, » reprit-elle à la première accalmie. « J'ai pu constater, en ces quelques semaines, ce qu'est la princesse Ludwig. L'honneur, la droiture en personne, il est impossible qu'elle cherche à vous peiner ou à vous faire du tort. Je vous dis que c'est une femme sans vergogne. Ne s'est-elle pas attachée à traîner dans la boue le nom qu'elle porte? Elle a brisé le cœur du vieux prince, cherchant de l'emploi comme une simple bourgeoise et s'en faisant gloire encore. » N'est-il pas admirable de sa part ? Commença Anna, puis elle s'arrêta court. Elle me diffamera ! Si elle n'a pas honte de publier ses affaires sur les toits, pourquoi s'arrêterait-elle sur mon compte ? Mais quelle honte y a-t-il à venir demeurer avec moi ? Il n'y en a pas ! Fit l'autre violemment, pourvu que mes motifs en venant chez vous ne soient point dénaturés. Mes motifs les voici. Je vous vois isolé, sans amis ou relations, et je viens pour vous faire une égide de mon nom et de ma situation. C'est ainsi que mon fils, mon Karlchen, a compris la chose. Libé, maman, me dit tout de suite ce cher enfant, quand je lui montrai vos premières lettres. Cette personne a besoin de ton soutien. Il n'y a pas hésité. Et je n'ai pas hésité. Vraiment ? Dit Anna, surprise, et un brin narquoise devant cette version inattendue des motifs de la veuve. Mais alors, qu'est-ce qui peut vous troubler ? Oui, oui, mais la Penheim écrira. Je la prierai sérieusement de n'en rien faire. Interrompit Anna, commençant à éprouver quelques symptômes d'impatience. « Et je suis sûr, entendez-vous, qu'elle aura égard à ma requête. Je la connais, je crois, mieux que vous ne faites. J'ai eu pleine occasion de voir qu'elle vaut, même dans les modestes fonctions de femme de charge. » Frau Treumann releva la tête comme un cheval de bataille au son de la trompette. « Quoi ? Elle n'est point de vos invités ? Elle est ici sur le pied de domestique, de salarié ? Elle est la plus honorée, la plus honorable des dames de compagnie. Arzo, que nous le disiez-vous ? Fit la Treumann avec un long soupir de soulagement. Comme par magie, ses sanglots s'arrêtèrent, et en pochant son mouchoir trempé de larmes, elle reprit la position perpendiculaire. Ah, c'était à cela qu'en était réduite cette orgueilleuse Penheim, qui l'avait toujours traitée de haut en bas. À la bonne heure, elle ne craignait plus rien maintenant. Si Miss Escort lui ordonnait de se taire, elle se tairait. Hourra ! Pardonnez, reprit-elle, l'agitation que je vous ai laissée boire. Monsieur Treumann accepte difficilement l'ombre même de la disgrâce. Et d'ailleurs, c'était encore plus pour mon fils, pour mon Karlchen, que je la redoutais. Il est si noble, si parfait, si adoré dans son régiment. Laissez-moi vous montrer la photographie de mon Karlchen. Vos mâles sont encore bouclés, dit vivement Anna, qui n'éprouvait aucun désir de voir l'effigie de Karlchen. Je vais vous envoyer quelqu'un sans tarder pour vous aider. Elle sortit et, une fois dans le passage, s'arrêta indécise. Fallait-il essayer une autre épreuve? Dans quelles conditions désastreuses allait peut-être se trouver la troisième des élus? Découragée déjà? Oh non, non. Elle pressa le pas, puis arriva à la porte, s'arrêta de nouveau déconcertée, en se rappelant la tasse brisée, le café éclaboussant tout le monde, les dames rigides et choquées, la Fräulein démoralisée. Qui sait si elle ne m'avait pas signalé son séjour dans sa chambre par de nouveaux dégâts? Si on n'allait pas la trouver en larmes, elle aussi, assise inconsolable sur les ruines de sa maladresse? Bah, cette douleur serait en tout cas plus facile à comprendre et à calmer que les chagrins compliqués de la veuve Treumann. Elle entra, et le souci disparut soudain de son joli front. Ici au moins régnait la paix. Le bagage avait été déballé et rangé avec l'aisance qu'engendre l'habitude. La Fräulein, peignée, débarbouillée, sanglée dans sa robe de dimanche, assise dans un confortable fauteuil, paraissait agréablement absorbée dans sa lecture, respirant la quiétude et le contentement par tous les points de son ample personne. « Eh bien, » dit Anna, s'avançant radieuse, « êtes-vous reposée? Êtes-vous contente? Il y a Eben !» La grosse fille, rougissante, mais évidemment plus à l'aise qu'au salon. Les deux Adelige Damen la terrifiaient bien autrement que sa douce protectrice, et déjà les pénibles impressions d'un début malheureux étaient oubliées. Car Fräulein Kurauer était une sorte de ruminant qui se laissait rarement arracher à sa quiétude constitutionnelle, possédant, outre une digestion à toute épreuve, la conviction inébranlable qu'elle appartenait au petit nombre des élus, lesquels doivent, quoi qu'il arrive, parvenir au paradis tôt ou tard. Avec ces deux ingrédients, seul, on peut concerter une vie des plus supportables. « Vous avez déjà trouvé un livre qui vous intéresse ?» dit Anna, charmée de découvrir enfin le signe que tous ses soins n'étaient pas perdus. Elle tendit la main pour le prendre, c'était le livre de cuisine. « Vous aimez la lecture ?» commença-t-elle. « Beaucoup. Je sais par cœur plus de 100 recettes, et rien que des plats sucrés. Ah, vous trouverez dans ces rayons des livres d'un autre genre. Il y a Eben. J'ai vu. Mais il ne faut pas perdre son temps aux lectures frivoles. Je ne lis jamais que des livres utiles. » Voilà un principe louable, dit Anna, indulgente. Si vous aimez les livres de cuisine, je vous en procurerai d'autres. Mon Dieu, que vous êtes bonne! Que vous êtes bonne! S'écria la grosse fille, regardant avec une admiration et une gratitude parfaitement sincères la charmante figure de son hôtesse. Toutes ces belles choses, ces bonnes choses, cette chambre superbe! Je ne puis assez l'admirer. Et tout cela pour moi. Pour moi toute seule, pour y dormir, pour m'y retirer quand il me plaira. Vous me l'avez dit tantôt, quand j'ai pu à peine y croire. Qu'ai-je fait pour mériter tant de bénédictions? Qu'avait-elle fait en vérité? Elle n'avait pas même été malheureuse, quoique elle eût trouvé ample occasion de l'être, renvoyée d'une Hausfrau indignée à une autre Hausfrau exaspérée, pendant près de 30 années, sans jamais avoir eu un seul instant la légitime conscience du devoir accompli pour la réconforter. N'importe. Elle éprouvait du moins quelque gratitude et paraissait heureuse. N'était-ce pas énorme? Ne parlez pas de mérite, fit Anna avec tendresse. Vos souffrances passées ne sont-elles pas un mérite suffisant? Soyez heureuse du matin au soir, ne faites pas autre chose. Ce sera désormais votre unique devoir. Pouvait-il être inventé de programme plus satisfaisant? Fräulein Kurauer saisit la main blanche qui la couvrait de ses bienfaits et y appuya un baiser fervent. Anna ne put s'empêcher de se sentir touchée de cet hommage. Elle n'avait certes cherché ni gratitude ni louange, mais ceci était décidément encourageant, surtout après les deux précédentes visites. Aussi, jetant impulsivement ses jolis bras nus autour du cou de sa protégée, elle l'embrassa avec beaucoup de joie, ce qui fut le premier baiser que cette demoiselle eut reçu en toute sa vie consciente. « Et maintenant, » dit Anna avec un rire heureux et tendre, « nous voilà baptisés amis. Descendons, voulez-vous ? J'entends la cloche qui nous appelle à table. » Les deux autres étaient déjà au salon quand elles parurent, se donnant le bras. Un nouveau regard de stupeur fut échangé entre les Adelige. Et de fait, il eût été difficile d'imaginer un couple plus mal assorti que ces deux grosses personnes empruntées dans sa parure du dimanche, sans dignité extérieure ou distinction d'aucun genre. Et sa gracieuse compagne, pétrie de pureté et de noblesse, rassée des pieds à la tête, et portant l'élégante livrée de la femme du monde, sans même se douter que sa parure, ses bras délicats, ses blanches épaules, puissent susciter autour d'elle l'admiration, la critique ou l'envie.